À l'aube incertaine, au commencement, ta moitié de ciel, nuit au firmament. Tu esquisses une pause et j'esquive ces choses qui arrivent. À l'aube incertaine, à l'heure des amants, nos gestes sans peine et tous nos manquements, sous nos agencements, des kyriades de plans s'amoncèlent. L'immanence à l'appel. Tu esquisses une pause et j'esquive ces choses qui arrivent. À l'heure rose, l'ozone est captive. Va nu pied, fais-toi des griffes à mes côtés. Ma va nu pied se pavane et dévane sans mal des montagnes dans les vallées d'humeur égale. Un accès de fièvre, est-ce un effet d'annonce ou bien l'effet de serre à travers les ronces? Un coup de semonce a découvert, voilà mon repère. Sorti du sommeil, tu esquisses une pause et j'esquive ces choses qui arrivent à l'heure rose. Ozo ma captive, les noms et les marchés passés dans d'autres bras. Renonce et remarque des posées du bout des doigts. Commencez déjà, comment c'était? La dernière fois que je t'ai fait tourner là-haut, un vrai métier, mille plateaux. Mille plateaux. Mille plateaux. Mille plateaux. Mille plateaux.